Dengende moto. Quel que soit le problème, on n'oublie jamais les liens du sang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Restons toujours ensemble, pays africains. On ne peut pas reculer, quel que soit les obstacles. Finissons nos peuples africains pour aller de l'avant. File les montagnards, DJ Kitoko, l'union fait la force. Restons toujours ensemble, pays africains. On ne peut pas reculer, quel que soit les obstacles. Sénégal, Mali, Congo, Gaza, on va bouger. Côte d'Ivoire, Guinée, Éthiopie, on va danser. Afrique du Sud, Maroc, RDC, on est Madrid, les stars de la favela, Oeza, combat final. Inoubliable, maman Edith, Licitito. Bandana Bota, ma Bogo, Tabola, ma Lève. La chambre bana, cuisine bana, cuisine bana, la bana, bana, la douche bana, aboye la crème magique, la sangwa la baka la bakwe ya ndako popu kwa zobo takole kamukolo ndakwe, ato te la mfuku, yeah, yeba ya ya to beta mfuku, yeba ya ya to te la mfuku. Bienfait n'est jamais perdu. Laetitia, Amobe, Robert Braza. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira nyira yuko kura mapa jena mapa bena nukale kongo kia e Iba aka No melo kura po No melo sisa ya No melo kura po No melo sisa ya Abuanga Yoko buanga ndo nimbyo wele abane mbyo na leo chichi mura mwale upinja No melo kura po No melo sisa ya Mare madu kuku wa chenga mwale kubibi mbukia maja msila bida Lejwe No melo kura po No melo sisa ya Yipo